Il y a bien longtemps, dans le califat de Bagdad, vivaient deux frères. Ils n'étaient pas dans la misère, mais ils n'en étaient pas très loin. L'un se nommait Cassim et l'autre Ali Baba. Et Cassim, lui, il avait épousé une riche héritière qui habitait une belle et grande demeure. Hélas, ce garçon ne faisait rien de ses dix doigts et il passait ses journées à traîner, à s'ennuyer, puis à faire des mauvaises blagues pour occuper son temps. Ali Baba, lui, était marié avec une jeune fille aussi pauvre que lui. Il la faisait vivre, elle et leurs enfants, tant bien que mal, en exerçant l'humble métier du bûcheron. Alors, un jour, qui travaillait dans la forêt, Ali Baba vit au loin un gros nuage de poussière. Plusieurs événements mystérieux avaient récemment troublé le voisinage. Il se cacha en grimpant rapidement dans un arbre et il observa alors 40 cavaliers fortement armés qui passaient juste en dessous de lui et qui disparurent derrière une grande colline voisine. Ali Baba remarqua que chaque cavalier portait une énorme sacoche sur sa selle. Alors Ali Baba attendit d'être certain que la voie était libre. Il se dirigea alors vers l'endroit où il avait vu les cavaliers disparaître. Il se cacha derrière un buisson. Les chevaux attendaient devant la colline, mais plus aucune trace des cavaliers. Soudain, médusé, Ali Baba entendit distinctement une voix sourde qui semblait venir du cœur de la colline. « Sésame, ouvre-toi !» La paroi du rocher s'ouvrit comme par enchantement et les hommes réapparurent. Caché derrière son buisson, Ali Baba vit le rocher se remettre en place. Les cavaliers remontèrent à cheval et s'éloignèrent à bride abattue. Dès qu'ils furent hors de vue, Ali Baba s'aventura jusqu'au rocher et, mort de peur, il murmura: Sésame, ouvre-toi. Il eut un mouvement de recul. À peine eut-il prononcé ce mot que le rocher s'ouvrit. Il entra dans une sorte de caverne immense. Et là, sous ses yeux, il découvrit un énorme trésor. Il y avait 100 coffres ouverts, remplis de pièces d'or, des sacs de cuir précieux débordant de joyaux étincelants, des monceaux d'étoffes de soie, de brocart et d'argent, des montagnes de fourrures fastueuses, des tapis de kiras de Saint-Marcande, des objets de toutes sortes, coupes, assiettes et couverts en or massif. Jamais, jamais, jamais un pauvre homme comme Ali Baba n'aurait pu imaginer qu'il existait ici-bas tant de choses somptueuses qui ne lui avaient semblé jusque-là promises qu'au paradis d'Allah. De la colline voisine jaillit de la poussière. Une voix clandestine parlait au bloc de pierre. Une horde de cavaliers aux allures persanes ne s'est pas attardée devant une tisane. Sésame, ouvre-toi, ouvre-moi les bras. C'est Ali Baba, Ali, Ali Baba, je viens du califat. Sésame, ouvre-toi, ouvre-moi les bras. C'est Ali Baba, Ali, Ali Baba, Ali, Ali Baba. De la colline voisine jaillit de la poussière. Une voix clandestine parlait au bloc de pierre. Devant cet étrange manège, j'ai retenu ces trois mots: diable ou bien sortilège. Parole de bourricot, Sésame, ouvre-toi, ouvre-moi les bras. C'est Ali Baba, Ali, Ali Baba, je viens du califat. Sésame, ouvre-toi, ouvre-moi les bras. C'est Ali Baba, Ali, Ali Baba, Ali, Ali Baba. Sésame, ouvre-toi, ouvre-moi les bras. C'est Ali Baba, Ali, Ali Baba, je viens du califat. Sésame, ouvre-toi, ouvre-moi les bras. C'est Ali Baba, Ali, Ali Baba, Ali, Ali Baba. Mais les diamants, les rubis et les topazes, les perles, les émaux, les opales et les aigues marines, les diadèmes, les colliers resplendissaient de lueurs, les boucles d'oreilles et les broches, les étoiles et les croissants. Et il ne fallut pas longtemps à Ali Baba pour comprendre que les 40 cavaliers étaient des voleurs. Que cette caverne était le lieu où ils entassaient leur butin et que leur chef devait être un bien puissant personnage puisque il lui suffisait d'ordonner pour que la montagne s'ouvre devant lui. Qu'importe, Ali Baba ne put résister à l'attrait de la fortune. Il remplit donc de pièces d'or les deux sacs que son vieil âne portait et rentra chez lui. À peine arrivé à la maison, il vida ses sacs sur la table de bois devant sa femme émerveillée. Mais qu'est-ce que c'est? Mais où as-tu trouvé tout ça? Il lui raconta alors son aventure. Puis, il lui chuchota. Il faut être très prudent. Il faut ne parler de ceci à personne. Il faut ne rien changer à nos habitudes. Par Allah, tu as raison. Mais si tu me le permets, mon époux bien-aimé, je voudrais évaluer tout cet or. Je serais si heureuse de connaître au moins le montant de notre fortune. Comment le mesurer ? Nous n'avons pas de balance assez grande. Je peux emprunter celle de ta belle-sœur. Pourquoi pas? Mais attention, surtout ne lui dis rien. Oui, oui, c'est promis. Dis-lui que c'est pour mesurer du grain. Ô femme, si tu savais ce qui m'est arrivé. J'ai trouvé un trésor de pierres de soie et d'or, diamants, rubis, turquoises, saphir, émeraude, topaze, des perles et des opales cachées dans de grandes malles. Oh mon bon mari, tout cela va changer notre vie. Nous sommes si riches aujourd'hui. Oh mon bon mari. Savais ce qui m'est arrivé. J'ai trouvé un trésor de pierres de soie et d'or. Surtout restons prudents en vivant comme avant, pour ne pas attirer les curieux du quartier. Oh mon bon mari, tout cela va changer notre vie. Nous sommes si riches aujourd'hui. Oh mon bon mari. Na, na, na, na, na, na. Oh mon bon mari, tout cela va changer notre vie. Nous sommes si riches aujourd'hui. Oh mon bon mari. Na, na, na, na. La femme d'Ali Baba s'en alla donc emprunter sa balance à l'épouse de Cassim, le frère d'Ali. Mais cette dernière, curieuse comme une pie, eut l'idée d'enduire de suif le fond du plateau afin de savoir de quelle espèce de grain il s'agissait. Et le lendemain, lorsque sa belle-sœur lui rapporta la balance, elle crut rêver. Elle trouva une petite pièce d'or qui était restée collée dans le fond du plateau. « Oh, Monseigneur Cassim, nous croyons avoir quelques sous, mais nous nous trompons. Ton frère, Ali Baba, n'en est pas à compter son or, il le mesure. » Cassim courut chez son frère. Il le surprit, en train de creuser un trou dans son jardin pour enterrer son or, et il l'obligea sous peine d'aller le dénoncer à la police, à lui avouer la vérité. Alors Ali dut, à contre-cœur, lui révéler le secret de la caverne. Alors, sans rien dire, Cassim partit pour la forêt avec 12 mules chargées de coffres vides. Il arriva enfin en face du rocher magique. Il prononça la formule que son frère avait été contraint de lui donner sous la menace. Sésame, ouvre-toi. Le rocher pivota, et Cassim, qui avait de cervelle de moineau et un cœur cupide, ne put se contenir et se mit à délirer de joie à la vue de toutes ces richesses. Alors il dansait, il bondissait d'un coffre à l'autre, comme si elle se demandait dans lequel il allait plonger la tête la première. Alors, naturellement, il perdit un temps précieux à hésiter dans le choix de ce qu'il allait dérober aux 40 voleurs, si bien qu'au moment où il voulut ressortir de la caverne pour commencer à charger ses mules, il oublia le mot de passe qui ouvrait le rocher. Il essaya tous les noms de graines qui lui venaient à l'esprit. Avoine, millet, seigle, tomate, colza, pastèque, grenade, concombre, patate, ouvre-toi. Il n'arrivait plus à se souvenir du mot sésame, ouvre-toi. Par contre, de l'autre côté du rocher, les 40 voleurs venaient d'arriver et avaient aperçu les 12 mules chargées de coffres, et le chef prononça la phrase: Sésame, ouvre-toi. Le pauvre Cassim fut pris par les voleurs. Ils le lapidèrent à coups de pierre, puis le découpèrent en 1000 morceaux. Ça servira d'exemple à ceux qui par hasard connaîtraient encore notre secret. Et les voleurs repartirent à leurs affaires. La femme de Cassim, très inquiète de ne pas voir son mari rentrer ce soir-là, et s'en alla trouver Ali Baba. Alors, celui-ci, redoutant le pire, il retourna vite à la colline, au bout de la forêt, commandé au rocher, et là, il trouva les restes de son frère à l'intérieur de la caverne. Le monde devint noir devant ses yeux. Il s'assit à terre et il pleura amèrement pendant longtemps. Énervé, quand soudain il s'étonne de se retrouver à son tour pillé. Et que penser d'un frère qui, au prix de menaces, vint soutirer la formule nécessaire à l'ouverture de la porte d'entrée. Nul ne peut cautionner l'acte des 40 voleurs. Nul ne peut cautionner, j'en ai lourd sur le cœur, de la mort ainsi donnée à mon frère adoré. que l'absence de mémoire aura morale de toute cette histoire, que l'absence de mémoire, un jour je ravivrai chez les pillards. Et puisse le purgatoire être assez grand dans ce lourd cauchemar, pour ces 40 gaillards mettre un point d'honneur au contre-pouvoir. Nul ne peut cautionner l'acte des 40 voleurs, nul ne peut cautionner, j'en ai lourd sur le cœur, de la mort ainsi donnée à mon frère adoré. Nul ne peut cautionner l'acte des 40 voleurs, nul ne peut cautionner, j'en ai lourd sur le cœur, de la mort ainsi donnée à mon frère adoré. Enfin, il rassembla les 1000 morceaux de son pauvre frère et les ramena à la ville. Lorsqu'il frappa à la porte de sa belle-sœur, ce fut une servante de Cassim qui lui ouvrit. Elle s'appelait Mordiana et elle était très dévouée à toute la famille. Alors Ali Baba lui raconta l'aventure et conclut. Il faut que tout ceci reste secret. Comment annoncer de quelle mort a été confronté mon frère bien-aimé alors que son corps est en 1000 morceaux ? Mordiana, qui était non seulement dévouée, mais qui avait aussi l'esprit fort ingénieux, alla trouver un vieux tailleur qui avait une grande réputation dans son art. Salamardé. Ce qui signifie, si mes renseignements sont exacts, que la miséricorde d'Allah soit sur toi. Et la réponse étant en deux mots. Et sur toi aussi, la miséricorde d'Allah, ainsi que sa mansuétude, qu'il daigne répandre sur toi la baraka, et moi je te souhaite la bienvenue. Tout ça en deux mots, quoi. Vieil homme, veux-tu gagner 10 pièces d'or ? 10 pièces d'or, mais... jolie dame, ton front à la blancheur et l'éclat de la lune nouvelle... Pour 10 pièces d'or, je mets ma tête sous les sandales de tes pieds. Ça oui, alors. Mais tu dois accepter de te laisser bander les yeux et conduire par la main. Pour ce prix-là, mais je te suivrai au bout du monde. J'écoute et j'obéis. Un peu étonné tout de même, le tailleur se laissa bander les yeux et conduire par la main. Alors Mordiana le mena à la maison de son défunt maître en lui montrant... les 1000 morceaux du pauvre Cassim. Et tu dois recoudre cet homme mort dans ses vêtements. Alors le tailleur effectua le travail si habilement qu'il parvint à reconstituer Cassim tel qu'il était de son vivant. Et Ali Baba put ainsi annoncer la mort subite de son frère et lui faire de dignes funérailles. Cependant, les voleurs ayant constaté la disparition des restes de Cassim, étaient jurés de retrouver celui qui avait découvert leur secret. Par quelle magie ces restes avaient-ils disparu ? C'est ainsi que leur chef, déguisé en marchand, se mit à rôder dans les souks à l'écoute de tout ce qui pouvait se dire, ça et là. Et alors il finit par rentrer en conversation avec le vieux tailleur. Allah te conserve la vie, ô vénérable vieillard. Alors, que se passe-t-il d'intéressant en ce moment dans ta bonne vieille ville ? Oh, moi, je me soucie guère que de mon travail. Encore que dans mon travail, il m'arrive parfois des choses bien surprenantes. Ah ? Ainsi, sache que il y a quelque temps, on m'a commandé de recoudre un homme mort. Dans ses vêtements, oui, parfaitement. Par là, tu veux dire que l'homme était en plusieurs morceaux ? En une infinité de morceaux. Ah, que le prophète me foudroie et que je meure si je mens. à l'instant même. En vérité, donc, des yeux indignes tels que les miens seraient honorés de contempler ne serait-ce que la demeure d'un prince capable de commander un artiste une œuvre aussi délicate. Pourrais-tu me la montrer, cette demeure? C'est que... on m'avait bandé les yeux. Moyennant 10 pièces d'or. Et est-ce que par hasard, moyennant 10 autres pièces d'or, ta mémoire sage serait capable de faire un effort? Moyennant ces 10 pièces d'or qui font une aussi jolie musique que mon doux seigneur... Je peux te dire que mon bandeau m'avait été posé par la douce main d'une femme et qu'elle ne l'avait pas serré bien assez fort. Ainsi, le chef des voleurs déguisé en faux marchand se fit conduire à la maison d'Ali Baba et il découvrit ce qu'il voulait découvrir. Puis le lendemain, à la tête d'une caravane de 20 mulets portant chacun 2 énormes jarres d'huile, une sur chaque flanc, il s'arrêta devant la demeure d'Ali Baba et demanda à celui-ci l'hospitalité pour la nuit. Alors Ali Baba ordonna que l'on préparât à cet honorable marchand d'huile la plus belle chambre, d'y mettre les mulets à l'écurie et les 40 jarres dans la cour, et fit préparer un repas qui fasse honneur aux riches invités. Il ne pouvait évidemment se douter que dans chaque jarre, il y avait non point de l'huile, mais un voleur armé jusqu'aux dents, et que ces 40 voleurs n'attendaient qu'un signe de leur chef pour sortir de leur jarre et massacrer toute la maisonnée. Avant la fin du dîner, la jeune esclave de confiance d'Ali Baba, Morgiana, passa par la cour. Le voleur qui se trouvait dans la première jarre murmura « C'est le moment ?»« Non, pas encore !» Morgiana rentra dans la maison. Elle avait une idée terrible. Elle fit tout de suite bouillir un énorme chaudron d'huile. Ensuite, elle versa assez d'huile bouillante dans chaque jarre pour tuer le voleur qui s'y trouvait. Tout ceci fut fait dans le plus grand silence. Puis la jeune fille s'habilla en danseuse pour charmer Ali Baba et son invité. Et profitant d'un instant d'inattention du faux marchand, elle saisit une dague et la lui plongea dans le cœur. Ali Baba fut horrifié par cet acte terrible. Et Morgiana lui prouva que l'invité n'était autre que le chef des 40 voleurs. Alors Ali Baba n'en revenait pas. Quel courage, mais quelle intelligence! Saisi de reconnaissance, Ali Baba affranchit la belle esclave et l'offrit en mariage à son fils aîné. Fait son chemin avec ses clés en main. Voleur, c'est un métier dans le souk il faut rôder à la pêche des infos. Trouver aussi les mots avec quelques pièces d'or, certains feront l'effort. Par la femme tout est arrivé, par la femme Ali fut sauvé. Ali, Ali va marier à la franchise son fils aîné. C'est étrange, ces 20 mulets prêts à se faire inviter et à tout massacrer. Mais l'auguste servante joue à d'huile bouillante, réduisant au silence les fruits de la vengeance. Par la femme tout est arrivé, par la femme Ali fut sauvé. Ali, Ali va marier à la franchise son fils aîné. Ali fut sauvé, Ali, Ali va marier à la franchise son fils aîné. Ainsi, la famille vécut heureuse et riche pour le reste de ses jours. Et vous devinez pourquoi ? Ali Baba était désormais le seul à connaître le secret de la caverne. Et il allait régulièrement, mais modérément, puiser dans cet inestimable trésor. Il fleurit chaque jour la tombe de son frère. Et chaque fois qu'il se retrouvait seul devant la tombe, il murmurait « Mon pauvre frère, si tu n'avais pas été aussi cupide et aussi bête, tu serais encore en vie. »